ça bosse dur, dur. Soupirant que son crâne s'allège. Imposture, tout spirant quand se rame sa mèche. Plus rien de bon ne sort d'ici que des récits noirs. Vu que c'est mon sort, je dissipe qu'une hérésie noire. Rien à foutre et je suis en boucle, je tourne la gasse et tout. Je suis en bout de course, sans cesse rembobine pour pas casser de tourne. Je n'ai ni bras ni dans l'ombre, façon qu'en ferais-je dans ce vieux rêve. Juste besoin qu'on me laisse libre, aller dans l'ombre, on passe son temps. À dire qu'on le perd, je ravitaillerai pas. Écoutez les compères nous persuadant que le ravitaillerait pas. Et moi, je continue de gratter sans une idée précise. Au fond, le genre humain sans une idée dépressive. Des fois, son tourne, mais les remontrances ont rabattu ma joie. Le poisson clown remontant en surface n'aura pas qu'une nageoire des fois. Ouvrir ma gueule, j'aurais dû m'en séparer. Peu de sourire m'accueille, causer durement c'est pas. Et ça fait boum badaboum souf. Tout se casse la gueule. Cause sur des boum papabou de souf. Que reste-t-il de nos passés si sombres? Nos querelles se tirent et nos passés si sombres. Boum badaboum souf. Tout se casse la gueule. Cause sur des boum papabou de souf. Nos querelles se tirent et nos passés si sombres. Que reste-t-il de nos passés si sombres? Tout somnambule, faut prendre le temps sinon prix Nobel. Toutes sortes d'embûches nous changent en shinobi moderne. Foutu parodie, je vous le souffle, ça fait semblant de façon cupide. Faut une panoupie de jutsu, pas des penchants de garçon lubrique. Pardon, jubile quand je fais les 100 palais des bornes. Mais redoutable, on veut percer même dans les entrailles des rébords. C'est face et spade, si je m'occupe pas de la cause, j'y comme une merde. Pour passer crème, il faut une face d'un autre site comme US. Redoutons le très haut, puis que les bâtons s'accrochent. Contre nos playmoves, monte au créneau sur le war plan d'Azog. Fier tant que ça dure, bien vu l'absence, pélo. Mangeur de pierre, même quand y'a du pain sur la planche. Fuis l'estomac des requins tigres, ils peuvent tous cracher sur mon dos. Ce qui me reste d'aura les rend craintifs. Racontez maître, ça mettra le mort, ça cassera le doute. J'affronte mes pères, pas des balrogs à Casado. Et ça fait boum badaboum souf. Tout se casse la gueule. Cause sur des boum papabou de souf. Que reste-t-il de nos passés si sombres? Nos querelles se tirent et nos passés si sombres. Boum badaboum souf. Tout se casse la gueule. Cause sur des boum papabou de souf. Nos querelles se tirent et nos passés si sombres. Que reste-t-il de nos passés si sombres? Conspire, forêt hostile. Vrai ou faux style, c'est qu'il faudrait construire. J'suis prêt pour une escale, mais y'a de la rouille sur le dérailleur. Paris que c'est qu'un détail, mais partir c'est moins irailleur. Faire face à la vie, chacun sait qu'on va faire rage. Faites de failles et vice hélas, alors qu'il y en a pour la ferraille. Tout va si vite, et chaque menace qu'on voit sévit. Dans ma série, j'ai trop subi, je veux pas finir comme la série. Fumatrice, free crime, cheese, cognac et drame. Vise que les képis, c'est la quêta qui les rétame. Constater le mauvais mélange, puisque leur vie n'est pas la nôtre. On est que des loups solo dans l'attente d'être attaqué par la meute. Qu'attendez-vous pour faire un saut du côté sang? Il faut un temps pour apprécier les bons côtés d'une beauté sombre. Je cause et ma prose n'est qu'un passage, un trait d'histoire. Une vie morte et morose, et pour nos gosses, ils prédiscordent. Et ça fait boum badaboum souf. Tout se casse la gueule. Cause sur des boum papabou de souf. Que reste-t-il de nos passés si sombres? Nos querelles se tirent et nos passés si sombres. Boum badaboum souf. Tout se casse la gueule. Cause sur des boum papabou de souf. Nos querelles se tirent et nos passés si sombres. Que reste-t-il de nos passés si sombres?